Bonjour Maïlys et à demain pour un nouveau numéro d'Entendez-vous l'écho. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, mardi, deuxième épisode de notre série consacrée à l'écrivaine Maryse Condé, une émission qui vous est proposée par Didier Pinault, Laurent Travaglichanal, Milena Elig, Anne-Vanessa Prévost, Coppelia Menardi et Jean Frédérics. Elle est née à Pointe-à-Pitre en 1937 dans une famille de la bourgeoisie noire, ce qui la mettra toujours en porte-à-faux entre les blancs et les noirs pauvres, ne faisant partie ni de l'un ni de l'autre de ces groupes. Arrivée à Paris à 16 ans, elle va prendre conscience de sa différence, se lancer dans le militantisme et partir dans divers pays d'Afrique à la recherche de racines qu'elle ne trouvera pas vraiment. Mais surtout, surtout, elle va devenir une grande écrivaine, puis enseigner aux États-Unis, comme nous le racontait hier Françoise Vergès, dans une émission à retrouver en podcast. Et puis demain, mercredi, avec Romuald Foncoy puis Xavier Luce, nous reviendrons sur les liens entre Maryse Condé et d'autres auteurs comme Aimé Césaire, Frantz Fanon ou Léopold Sédar Senghor. Il sera également question du réalisme magique et de son rapport à la critique. Enfin jeudi, nous parlerons de l'ironie à l'œuvre dans ses textes. Ce sera grâce à Christiane McQuarrie qui évoquera également la pièce « En temps révolution ». Et aujourd'hui, aujourd'hui, pour un panorama de l'œuvre de Maryse Condé et puis pour parler aussi de sa vision politique, nous sommes en duplex avec Washington où se trouve la professeure Françoise Pfaff. Elle a enseigné le français ainsi que les littératures et les cinémas des pays francophones d'Afrique et de la Caraïbe. Elle est surtout, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, l'auteur de deux livres d'entretien avec Maryse Condé. Le premier, publié en 1993 chez Cartala, a été réédité en 2016. 2016, l'année de la parution de ses nouveaux entretiens avec Maryse Condé, sous-titré « Écrivain et témoin de son temps ». C'est toujours chez Cartala. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs. Je pense que la littérature est un fait totalement individuel. Chacun fait sa littérature, chacun crée son style. Maryse Condé crée sa façon d'écrire, Glissant la sienne, Chamoiseau la sienne, etc. Donc il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de tâche pour la littérature. Chaque écrivain, en fonction de son histoire à lui, en fonction de ses problèmes personnels, de sa vision du monde, de son rapport au monde, crée un langage qui n'appartient qu'à lui et qui est le sien, qui peut-être, comme vous dites, rappelle des langues enfouies, peut-être pas en préfigure qui ne sont pas encore en existence, mais finalement, on n'a pas le droit de demander à une littérature faite par des individus isolés de répondre à une sorte de besoin global édicté par l'autre. Maryse Condé, interrogée en 2005 pour France Culture par Catherine Pont-Humbert. Bonjour Françoise Pfaff. Bonjour Mathieu Garrigou-Lagrange. Alors avec vous aujourd'hui, on va essayer de parler de quelques-uns de ces livres. Mais d'abord, pour être un petit peu plus général, on peut peut-être commencer en soulignant que Maryse Condé est un écrivain de renommée internationale et dont l'œuvre a été couronnée par de nombreux prix, dont celui en 1988 de l'Académie française. Oui, alors une écrivaine de renommée internationale, c'est vrai. Alors pourquoi? Tout d'abord, grâce à la fluidité de son écriture, ses talents de raconteur, dont parle d'ailleurs Madeleine Haig, qui a écrit l'introduction, la préface aux nouveaux entretiens avec Marie Scondé. C'est la qualité qu'elle apprécie le plus, c'est ses talents de raconteur. Il y a aussi son ironie mordante, mais vous en parlerez bientôt, qui interpelle et fait réfléchir profondément sur certains faits de société. Vous parlerez, je crois, de l'ironie avec Christiane McQuaid. Exactement. Alors, Maryse est vraiment internationalement appréciée. Elle se lit bien, elle a des thèmes humanistes qui interpellent beaucoup de gens de façon universelle. Des gens qui, en général, sont préoccupés par la quête d'eux-mêmes et la quête de la signification du monde, en fait. Et bien que les intrigues de ces romans soient principalement ancrées en Afrique, aux Antilles, en Europe et aux États-Unis, où elle a vécu, il est intéressant de voir que son cheminement littéraire suit son cheminement géographique et qu'il est aussi un peu le mien. Parce que, bon, je suis partie de la France où je suis née et je me suis retrouvée aux États-Unis avec des voyages en Afrique. Donc, elle a vécu dans ces espaces géographiques et ses thèmes traversent aussi très bien les frontières. Alors, quels sont ces thèmes? Eh bien, parmi ces thèmes, il y a par exemple la quête du bonheur qui est omniprésent depuis son premier roman, Erima Konon, qui signifie d'ailleurs en malinké attend le bonheur. On va y revenir. Alors il y a un prix quand même qu'elle n'a pas reçu, c'est le prix Nobel. Elle en parle souvent, elle en parle aussi dans les entretiens que vous avez conduits avec elle. C'est une déception. C'est une déception. Quand je lui ai demandé quelle est la chose que tu voudrais obtenir le plus, elle dit le prix Nobel. Donc c'est une déception. Elle n'a pas non plus reçu de prix Goncourt et d'autres, le prix Femina, etc. Donc pour elle, c'est un peu une déception, mais ça n'est pas terminé. Elle le sent comme une injustice. Elle le ressent comme une injustice. Un petit peu, une non-reconnaissance de son talent. Moi, je crois que c'est un peu dû aux thèmes qu'elle explore, qui sont pas toujours très tendres en ce qui concerne l'Europe, l'Occident. Et peut-être que ça a une certaine influence. Enfin, je ne sais pas. Hein. En tout cas, parmi les autres thèmes de son œuvre, il y a l'exil, l'émigration, la vengeance, l'abandon, l'esclavage, bien sûr, et la relation entre l'histoire et la mémoire. Donc on retrouve un peu ces thèmes un peu partout dans son œuvre, et à commencer bien sûr par Erima Konon. Alors 17 romans, dont le dernier s'appelle « Le fabuleux et triste destin d'Ivan et Ivana », paru en 2017 chez Jean-Claude Lattès. Elle était en train de l'écrire au moment où vous vous êtes entretenu pour ces nouveaux entretiens avec Marie Scondé, mais elle n'était pas sûre encore de pouvoir terminer ce livre. Elle se demandait si elle en aurait la force. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu dans quel état d'esprit elle se trouvait au moment où vous avez réalisé ces entretiens ? Oui, alors à la fin des entretiens, effectivement, elle avait un projet, parce que je lui ai demandé quels étaient ses projets pour un avenir immédiat, et elle parlait justement de cet événement qui s'était passé, cette policière antillaise qui avait été abattue par un terroriste d'origine malienne, et puis ensuite tous les événements qui ont suivi. Au lendemain des attentats du 13 novembre. Exactement. Donc elle a été très frappée par cela et elle, à l'époque, voulait écrire quelque chose sur Clarissa. Ça s'est développé, c'est devenu un peu autre chose. C'est l'histoire donc de deux jumeaux, Ivan et Ivana, et c'est un peu la confrontation du bien et du mal. D'un côté Ivana qui deviendra une brillante élève et de l'autre côté Ivan qui deviendra un terroriste. Donc elle pensait déjà à cela, et ce qu'il y a vraiment d'extraordinaire dans ce dernier roman, c'est qu'elle l'a écrit sans l'écrire physiquement. Elle est atteinte, malheureusement, maintenant, Maryse, d'une maladie neurologique et qui ne lui permet pas d'écrire. Qui ne lui permet pas d'écrire physiquement avec une plume, un stylo ou bien même un ordinateur. Quel dessin plus tragique pour un écrivain que de ne pas pouvoir justement écrire. Donc, elle a dicté ce roman. Ça a été donc assez laborieux et elle a bénéficié de l'aide en particulier de Madame Cuzin, Régine Cuzin, à qui le livre est dédié d'ailleurs. Donc elle lui a dicté ce livre, ensuite elle a fait relire ce qui avait été écrit, elle a relu ce qui était écrit et elle a corrigé en compagnie donc de Régine Cuzin. Donc c'est un labeur extrêmement difficile, mais Maryse est quand même extrêmement persévérante, elle a beaucoup de courage et finalement elle est arrivée à écrire ce livre qui a été bien reçu, je crois, par la critique en général. Donc 17 romans, mais aussi des pièces de théâtre, 8, mais aussi 4 textes qui sont des textes autobiographiques. Quelle est l'importance de ces récits autobiographiques ? Parce qu'on a le sentiment, Françoise Pfaff, que elle s'est toujours assez bien racontée dans ses livres, qu'il y a toujours une part d'autobiographie dans ses romans, mais que finalement, vers les dernières années, elle a été plus directement dans ce genre de l'autobiographie. Qu'est-ce que ça signifie selon vous ? C'est un retour en arrière. Maryse, maintenant, a plus de 80 ans. Elle fait un peu le point sur ses activités littéraires, politiques, ses activités en tant que mère, que grand-mère. Donc, je crois que elle regarde un peu sur son passé et elle le consigne pour les générations à venir, pour les gens qui seront intéressés par son parcours, par son œuvre littéraire, par sa façon d'écrire, etc. Donc les récits autobiographiques jusqu'à présent sont au nombre de 4. Il y a Le cœur à rire et à pleurer qui inclut des chapitres donc de son enfance. Il y a Victoire, des saveurs et des mots où elle recrée un peu le personnage de sa grand-mère. La vie sans phare, alors sans phare, F-A-R-D-S, et non pas P-H-A-R-E. Je voudrais signaler à ce propos que Jean Paulhan a fait une étude tout à fait intéressante de Maryse Condé et que son article avait été intitulé « La vie sans phare, P-H-A, mm-hmm. P-H-A-R-E ». Donc, « La vie sans phare » est un récit autobiographique où elle nous parle de sa vie extrêmement mouvementée entre la France, l'Europe en général, mais aussi l'Afrique, bien sûr, et les États-Unis. En fait, une fois, je lui ai demandé pourquoi quelqu'un ne ferait pas un film de toute sa vie, parce que c'est une vie pleine d'aventures, qui traverse l'histoire, qui traverse les indépendances africaines. Enfin, tout cela serait extrêmement intéressant si c'était porté à l'écran. Et hein. Que vous a-t-elle répondu ? Que personne n'avait encore fait la proposition, mais c'était il y a 2 ans. Donc peut-être que depuis, il y a eu ce genre de proposition. Mais une partie de sa vie a été mise au théâtre, sur scène en tout cas. Hein. Et alors son dernier livre autobiographique, c'est « Mets et merveilles », dans lequel elle fait une sorte de comparaison entre la créativité littéraire et la créativité culinaire. Parce que Maryse est aussi une excellente cuisinière. Oui, elle dit d'ailleurs assez souvent qu'elle ne sait pas si elle est une très bonne romancière, mais qu'elle est en tous les cas une très bonne cuisinière, ce qui est une nouvelle provocation. Oui, bien sûr, parce qu'en fait, elle est les deux. Mais Maryse, comme on le sait, aime bien provoquer, faire réagir les gens de façon continue dans ses écrits, dans ses paroles, lorsqu'elle est interviewée, etc. Et ce qui m'intéresse d'ailleurs, une fois, lorsque je l'avais invitée à l'université de Harvard, où j'enseignais, les gens sont venus en masse, enfin en très grand nombre, pour l'écouter. Et elle me dit, tu sais, ils n'ont pas été assez virulents avec moi. J'ai essayé de les provoquer, mais ils n'ont pas vraiment répondu comme de la façon dont je m'attendais. Et elle disait peut-être parce qu'ils me respectent trop maintenant. Je suis une dame avec des cheveux blancs et les gens essaient de ne pas justement me provoquer ou répondre à mes provocations. Donc ça, c'est un petit peu une marque de Maryse, l'ironie et la provocation. La compagnie des auteurs sur France Culture, nous parlons de Maryse Condé avec vous, Françoise Pfaff, en duplex de Washington, Françoise Pfaff, à la question « Comment es-tu devenu écrivain ?» Vous la tutoyez parce que vous êtes amie. Elle vous a répondu qu'elle n'avait pas du tout prévu d'être un jour écrivain, que ça avait même été une surprise dans sa vie. En réalité, le début de son parcours littéraire, c'est d'abord du théâtre. Mais ça ne s'est pas forcément passé comme elle l'aurait souhaité. Oui, effectivement, elle a commencé, elle dit justement dans le deuxième livre d'entretien, elle parle un petit peu de son parcours littéraire et le fait qu'elle a commencé avec le théâtre parce que à l'époque, il y avait un certain vent de militantisme avec Sartre, etc. Et les gens écrivaient des pièces militantes où ils retraçaient leur, où ils exprimaient leur engagement politique. Donc, elle a essayé de suivre un petit peu ce mouvement qui se retrouve un petit peu dans Erré Maconon, qui est quand même un roman assez politique. Erré Maconon, qui est donc son premier roman, elle dira que c'est un roman petit bourgeois comparaison évidemment avec les pièces de théâtre dans lesquelles finalement elle s'obligeait à être quelqu'un qu'elle n'était pas, c'est-à-dire à faire de la politique et non pas de la littérature, n'est-ce pas ? Voilà, et elle est revenue un petit peu sur cette notion en disant que la littérature n'était pas un tract politique pour elle et qu'il fallait aller maintenant au-delà de cette vision d'engagement politique et de militantisme. Mais je crois que malgré elle, elle demeure quand même militante, même dans ses dernières œuvres. Et ce qui est aussi très intéressant, dans ses œuvres pour la jeunesse, elle dit que ses œuvres pour la jeunesse sont un reste de militantisme. Donc elle essaie de mettre à jour certains un chapitre de l'histoire de la diaspora noire qui n'ont pas forcément été explorés et elle s'adresse donc sur des thèmes tels que l'esclavage, le racisme, la ségrégation à de jeunes lecteurs. Donc cette histoire d'engagement politique qui se retrouve dans ce premier livre de 1976 qui s'appelle donc Erré Maconon a été mal accueilli en général parce qu'à l'époque il fallait parler positivement de l'Afrique et elle qui avait vécu en Afrique, qui avait été un peu déçue, un peu désabusée par cette Afrique qui devait être un peu ça c'est comme une matrice, comme un retour aux sources, et elle s'est aperçue que les Africains, finalement, l'Afrique n'a pas bien accueilli cette femme de la diaspora noire. En fait, elle a eu des problèmes avec sa famille proche, en particulier une belle-mère. Enfin, tout le monde a des problèmes avec sa belle-mère, mais là, particulièrement, c'était parce qu'elle avait une différence ethnique, des valeurs différentes, et elle était au départ un peu choquée parce que bon. Étant femme noire, elle pensait qu'elle serait accueillie à bras ouverts par les Africains. Eh bien non, ça n'a pas été le cas. Donc elle a été un peu déçue. Et quand son livre a paru et que la plupart des gens à l'époque louaient l'Afrique, les indépendances, l'espoir qui était à l'horizon de ces indépendances, eh bien elle a parlé de corruption, de dictature, d'exil, de prison, d'abus de pouvoir, etc. Et cela a été quand même assez mal vu. Mais Erré Maconon reste pour elle son roman préféré. Et c'est un roman dans lequel on sent très bien ce qu'elle défendra toujours, c'est-à-dire que la littérature, ça n'est jamais qu'une parole personnelle, un point de vue personnel qu'on essaye d'exprimer. On écrit en réalité pour soi et seulement pour soi, même si, comme elle vous l'explique au cours de vos entretiens, on aime quand même la reconnaissance. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc on écrit pour soi, mais on aime bien que les autres apprécient ce que l'on écrit pour soi. C'est un peu normal, c'est humain. Et donc dans ce premier roman, on trouve, comme je l'ai dit avant, ce qu'on va trouver après dans ses autres, dans ses autres écrits. Oui. Peut-être peut-on parler à présent du livre qui va la faire connaître mondialement. Ce livre, c'est Ses goûts. Il s'agit là d'un roman qu'on pourrait qualifier d'historique, Françoise Pfaff. Absolument, oui. Alors, ce roman est constitué de deux tomes. Il a été écrit en 1984-1985. Et ces deux tomes ont été proposés par donc une maison d'édition qui voulait un roman historique. Il manquait de romans historiques sur l'Afrique à l'époque. Donc, ces deux tomes de Ségou, qui est donc une ville du Mali, hein, Ségou, ces deux tomes sont le fruit de recherches que Marie Scandé avait entreprises depuis un certain temps, depuis son écriture d'Erima Konon, avec l'intention d'écrire une thèse d'État sur les traditions orales mandingues. Il faut dire qu'elle a hésité entre l'histoire et la littérature. Absolument, c'est ce qu'elle dit dans les entretiens d'ailleurs. Si je n'avais pas été romancière, j'aurais été historienne. Donc l'histoire a vraiment un grand rôle dans son écriture et ce roman historique a été un best-seller à l'époque et c'est lui qui l'a fait connaître dans le monde entier, en fait, par la traduction anglaise, très bonne d'ailleurs, du roman Ségou. Alors on va en écouter justement, si vous le voulez bien, un court extrait. Nadier allait droit devant elle, aiguillonnée par le désir de mettre la plus grande distance entre Ségou et elle. Ségou, asile d'injustice et de perfidie. Ses pieds clapotaient dans la boue. Les herbes mouillées lui griffaient les jambes. Une pluie fine se mit à tomber. Puis un grand vent se leva qui la chassa. Elle buta contre un buis, une ouverture circulaire entourée de branches à demi-sèches entrecroisées. Tout d'abord, elle ne pensa qu'à se désaltérer. Elle marchait depuis des heures et bien que le temps fût frais, sa salive formait une pâte amère autour de sa langue. Mais comme elle se penchait pour remonter l'outre de peau de chèvre suspendue à une longue corde de dents, elle vit l'eau miroiter. Elle détacha Awania de son dos et la fit passer contre sa poitrine entre ses seins, considérant passionnément son visage endormi. Toutes deux se retrouverait bientôt dans le monde des esprits. Sûrement émue par sa faim, la famille multiplierait les sacrifices à son intention, et bienveillante en retour, elle travaillerait à son bien-être. Elle se pencha à nouveau au-dessus du puits. En cette saison, l'eau n'était pas loin, on la percevait mouvante, grimpant légèrement le long des parois de terre, et sa fraîcheur parfumait comme une haleine. Nadier enjamba la balustrade de branchages. Un instant, l'instinct de vie fut le plus fort. Elle se rappela le corps de Tiekoro contre le sien, l'odeur de sa sueur quand il faisait l'amour, les rires cristallins de ses enfants, la morsure du soleil. Elle se raccrocha aux branchages, mais ils vacillèrent sous son poids et doucement cédèrent. Comme elle tombait vers l'eau noire, freinée, et soutenue par ses pagnes, un sentiment de résignation l'emplit. Elle l'avait voulu. La compagnie des auteurs sur France Culture. Alors Ségou, c'est l'histoire de la destruction du royaume Bambara de Ségou par les forces colonialistes françaises. C'était, disait-elle, une volonté de montrer que l'Afrique, à un moment donné, avait été belle et puissante. C'était aussi l'occasion pour elle de démontrer les ravages de la colonisation française et européenne, donc Françoise Pfaff. Elle avait eu aussi peut-être l'intention de se racheter d'une certaine façon par rapport à ses amis communistes, pourquoi pas, en faisant une œuvre qui était une œuvre militante. Voilà, et positive surtout, enfin en partie positive, parce qu'il y a aussi des épisodes dans ses goûts qui le sont moins. Mais en tout cas, elle voulait faire une fresque historique qui montrait la grandeur et la décadence d'une famille africaine, ce qui n'avait jamais été fait auparavant. Et dans cette fresque historique, et vous avez peut-être constaté à travers l'extrait que vous avez présenté, il y a un langage extrêmement poétique. La nature y est décrite de façon poétique, il y a une sensualité, et justement, je trouve dans la prose de Marie Scandé qu'il y a une certaine poésie, et elle s'en défend. Elle dit « je ne suis pas poète, poète pour deux sous. Et vraiment, je n'ai jamais écrit de poésie, sauf peut-être cette petite poésie qu'elle avait écrite à sa mère lorsqu'elle avait 8 ans. Donc, Ségou la fera vraiment connaître à l'échelon international. Et Ségou est toujours appréciée énormément aux États-Unis, en particulier par les Africains-Américains, qui retrouvaient aussi cette même démarche de l'Afrique précoloniale, avec des royaumes, avec toutes sortes d'éléments positifs. Donc, Ségou est enseigné dans les universités américaines, soit en français, soit en traduction, et c'est un ouvrage de référence. Souvent, les gens, quand ils disent Marie Scondé, ils citent tout de suite Ségou, et puis aussi Tituba, sorcière noire de Salem, qui retrace la destinée de Tituba, qui était l'une des sorcières, historiquement, de Salem, dont l'histoire a été contée par Nathaniel Hawthorne. Autre grand succès aussi de Marie Scondé. Vous parlez de Nathaniel Hawthorne. Il faudrait peut-être aussi parler de Emily Brontë, parce que l'intertextualité est très importante chez Marie Scondé. Elle revendique de pouvoir récupérer ce qui appartient au patrimoine mondial de la littérature pour en faire elle-même sa propre littérature. Et elle l'a fait d'ailleurs dans un roman où elle a repris l'histoire générale des hauts de Hurlevent d'Emily Brontë. Est-ce que vous pouvez raconter un petit peu la démarche de Marie Scondé avec ce livre-là, Françoise Pfaff? Oui, alors finalement, dans les Hauts de Hurlevent d'Emily Brontë, il y a un propriétaire nanti du domaine des Hauts de Hurlevent qui ramène chez lui un enfant trouvé. Et cet enfant sera rejeté par son fils, mais sera aimé par sa fille d'un amour passionnel et quasi incestueux. Donc, cet enfant trouvé, bien sûr, et la fille de ce propriétaire terrien appartiennent à deux milieux sociaux différents et leur amour sera impossible. L'enfant adulte se vengera à la fois du mari, de celle qu'il aime, ainsi que de son frère, en détruisant leurs deux familles. Alors, Marie Scondé a décidé d'adapter les Hauts de Hurlevent à l'espace caribéen. Et ce livre donc s'appelle La migration des cœurs. Et Marie Scondé utilise la trame narrative de base de ce roman en l'adaptant aux Antilles. Par exemple, le propriétaire du domaine devient un béquet, c'est-à-dire un planteur blanc dans la tradition antillaise. Et l'enfant abandonné a une origine ethnique incertaine dans le livre d'Emily Brontë, et il devient un nègre ou batas indien dans le contexte guadeloupéen. Alors ce livre n'est pas très connu en France, mais il est très apprécié, d'après ce que me dit Maryse, dans les pays anglo-saxons, à l'échelon universitaire en particulier, au niveau universitaire, où les gens font une comparaison entre Condé et Brontë à travers ce texte. Alors, vous dites, ou elle dit peut-être que ce livre aurait été mieux compris en France si elle s'était basée sur Madame Bovary, et que peut-être le public français est moins familier avec les Hauts de Hurlevent. C'est vrai, hein. Mais ce qui est intéressant dans sa démarche qu'elle utilise à propos de ce livre, c'est, je lui ai posé la question suivante, comment toi, Maryse, une écrivaine talentueuse, à l'imagination foisonnante, tu as besoin, enfin tu utilises la trame d'un autre auteur pour créer quelque chose. Et alors elle m'a dit qu'elle faisait du cannibalisme littéraire, qu'elle s'appropriait des textes qu'elle aimait pour les recréer. Et cette notion de cannibalisme vient bien sûr d'un mouvement à la tête duquel se trouvait l'écrivain brésilien Oswald de Andrade, et dont les principes sont consignés dans son fameux manifeste anthropophage qui date, je crois, des années 20. Hein. Et alors, il prônait là l'appropriation des cultures européennes en les assimilant, en les imitant et en les faisant siennes dans son propre processus créatif. Et c'est ce que fait Maryse dans La migration des cœurs, mais aussi dans un autre livre, un conte de Madame le Prince de Beaumont, qu'elle nous rend sous le titre La Belle et la Bête, une version guadeloupéenne. Donc c'est une sorte d'appropriation culturelle à l'envers, c'est ça ? Oui, c'est une sorte d'appropriation. On dévore, pour parler de cannibalisme, on dévore l'œuvre initiale et on la rend on la récurgite en quelque sorte, si je peux utiliser ce terme, avec son propre langage, son propre style. On recrée cette œuvre et elle écrit, comme elle le dit toujours, en mariscondé. Alors exactement, qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs que cette expression « je n'écris pas en français, j'écris en mariscondé » qu'elle répète assez régulièrement? Oui, alors c'est une bonne formule, mais qui contredit un petit peu ce qu'elle dit. Parce qu'elle dit tout écrivain se nourrit de la pensée d'autres écrivains, tout texte est une intertextualité, tout écrivain malgré lui est influencé par les autres. Et d'un autre côté, elle dit voilà, moi j'écris en mariscondé, j'ai mon propre style, j'ai mes thèmes, j'ai ma façon d'aborder les sujets, mais elle ne se soustrait pas à l'influence des autres auteurs, donc il y a là, je crois, à mon humble avis, une légère ambiguïté. Mais elle utilise le français. Elle utilise tout à fait le français. Enfin, quand elle dit j'écris en mariscondé, son vocabulaire est entièrement un vocabulaire de langue française. Donc on a un peu de mal à comprendre en réalité ce qu'elle veut dire, si ce n'est que chaque écrivain en effet a sa voix particulière. Est-ce que ça s'arrête là ou est-ce que ça veut dire quand même autre chose, et notamment une chose qui serait de l'ordre de la revendication, de dire je n'écris pas vraiment en français, ou en tous les cas pas dans le français la domination, pas dans le français du peuple colonisateur. Voilà, oui, il y a un peu de ça, je crois. On pourrait dire que Flaubert écrit en Flaubert, que Baudelaire écrit en Baudelaire, enfin, pour aller loin comme ça. Mais en ce qui concerne Maryse, elle écrit effectivement en français, elle écrit rarement en créole. Il y a des bribes d'expression, il y a des mots donnent un petit peu la tonalité, la couleur, sans jeu de mots, des Antilles, en utilisant certains mots qui sont des mots créoles. Mais elle refuse, comme elle l'a dit dans les premières interviews, la dictature de la créolité. Par exemple, elle s'oppose à Chamoiseau et d'autres, en disant que, bon, moi j'écris en français, je parsème mon texte de mots qui se réfèrent à l'ambiance caribéenne. Et c'est intéressant d'ailleurs de voir son processus, parce que dans ses premiers livres, il y avait un glossaire carrément à la fin, où les gens pouvaient consulter les mots qu'ils ne connaissaient pas et qui faisaient partie donc de la langue créole. Et ensuite, ces mots, elle les explique dans le texte lui-même, si bien qu'il n'y en a plus besoin de glossaire. Et je crois que c'est un peu une partie de son succès que cette manière d'écrire en mariscondé. C'est-à-dire que c'est une écriture assez facile à comprendre. En fait. Françoise Pfaff, vous restez avec nous. On va continuer ensemble à parler de l'œuvre de mariscondé. Mais tout de suite, c'est le moment, comme chaque jour, dans Compagnie des Revues. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. En compagnie des revues, avec aujourd'hui Pierre Croze du réseau social Babelio. Bonjour Pierre. Bonjour Mathieu, bonjour Françoise. Vous vous êtes intéressé aujourd'hui à ce qui vous semble être l'émergence d'un nouveau type littéraire, d'un nouveau personnage littéraire. Tout à fait, j'ai déjà eu l'occasion ici même de parler du succès sans cesse renouvelé des thrillers psychologiques. Mais je crois qu'il serait temps, Mathieu, de s'intéresser à un nouveau personnage qui a fait son apparition à travers ce genre littéraire. Ce nouveau personnage, c'est la fille. La fille. Oui, une fille ou la fille, parfois la femme. Des femmes, il y en a évidemment dans presque tous les romans, mais elles ont une place et un statut très particulier dans ces romans qui les mettent en avant dès le titre. Alors je pense à La fille du train de Paula Hawkins, Gone Girl, qui a été traduit par le titre Les apparences, mais qu'on aurait pu traduire par La fille qui a disparu, mais aussi La fille d'avant de J.P. Delaney, ou encore La fille dans le brouillard de Donato Carisi. Mais on pourra continuer en fait la liste pendant des heures. Mais alors qui est-elle, cette fille? Parce qu'il me semble que des filles dans la littérature, il y en a quand même eu déjà. À quoi ressemble ce personnage? Alors c'est une femme mystérieuse, à l'âge indéfini. Est-ce une fille, une femme? Alors le plus souvent c'est une jeune femme qui est pour ainsi dire le sujet ou la raison d'être de ces romans. Alors ce sont toujours des personnages a priori lambda dans lesquels les lecteurs ou les lectrices peuvent plus ou moins se reconnaître, même si on découvre peu à peu leur passé, pas aussi rose qu'on ne pourrait le croire au premier abord. Elles sont parfois alcooliques, par exemple, ou en prise aux médicaments. Alors elles ont à chaque fois un rôle, une place très importante dans le récit, mais le lecteur ne sait jamais vraiment s'il faut leur faire confiance. C'est sûrement cette caractéristique hein, d'ailleurs qui plaît autant au lecteur, puisqu'il y a des surprises jusqu'aux toutes dernières pages. Sont-elles des héroïnes, des victimes, des coupables? Peut-être un peu tout à la fois. Quels sont les romans à lire pour faire la connaissance de ces mystérieuses filles? Alors, il y a des romans qui font désormais partie des grands classiques de ce genre, hein, qui est le thriller psychologique. J'en ai évoqué certains. Les Apparences de Gillian Flynn, paru en 2012 chez Sonnet Teen. Alors, c'est l'histoire d'un couple en apparence heureux, mais qui bascule quand la femme disparaît. Il y a aussi La fille du train de Paula Hawkins sur une jeune femme alcoolique qui est persuadée d'avoir été témoin d'un crime. Ça c'était publié aussi chez Sonnet Teen en 2015. Alors, ce sont là les grands classiques, mais il y a aussi d'autres ouvrages qui connaissent de grands succès. C'est le cas, par exemple, de La fille dans le brouillard, de l'écrivain Donato Carisi, qui a connu aussi donc un grand succès sur Babelio, notamment. C'est l'histoire d'une enquête qui piétine. Une jeune fille exemplaire a en effet disparu, et l'enquêteur dépêché sur place est bien vite dépassé par les événements. Alors, en ce moment, il y a un autre ouvrage qui marche très très fort. C'est La fille sous la glace, publié chez Belfond, d'un autre écrivain anglais, Robert Brinza. Alors, je vous lis le pitch. La glace a immortalisé sa jeunesse, sa beauté et son mystère. Qui était vraiment Andrea, victime ou manipulatrice? Et il y a un livre qui était très attendu, La femme à la fenêtre. C'est le premier roman de A.G. Finn que les éditeurs du monde entier se sont arrachés. Il est sorti il y a quelques jours aux éditions Presse de la Cité. C'est l'histoire d'une femme, témoin d'un crime. Seul problème, elle n'est pas certaine d'avoir vraiment toute sa tête. Alors voilà, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez rencontrer ces femmes, eh ben rendez-vous sur Babelio. Voilà, Babelio, où vous retrouverez donc toutes ces références, parce qu'il y a eu beaucoup de titres finalement donnés dans votre chronique. Merci beaucoup Pierre, et à très bientôt. Suite de la Compagnie des auteurs sur France Culture, et nous parlons de l'écrivaine Marie Scondé avec Anne Duplex de Washington, la professeure Françoise Pfaff. Et pour repartir dans cette seconde partie, un extrait de l'émission Antipode avec Marie Scondé en 1984. Pour moi, les trois romans dont l'action se situe en Afrique sont indiscutablement des romans antillais. Alors je sais que les lecteurs ne les voient pas ainsi, parce qu'on a envie de voir un référent antillais dans un roman. Alors que là, le référent antillais n'existe pas, mais la conscience qui parle est une conscience antillaise. Donc je revendique mon antillanité entièrement, et c'est pas du tout contradictoire, ça je crois que nous l'avons déjà dit, avec le fait d'avoir une origine africaine, d'avoir une ascendance africaine, d'avoir une aïeule bambara. Ce sont des choses, à mon avis, qui se complètent. Je ne suis pas une Antillaise en exil, je suis une Antillaise qui a vécu ailleurs et qui a parlé d'un ailleurs et qui en a parlé d'une manière, à mon avis, antillaise. Donc d'être allée en Afrique, ça vous a permis d'une certaine manière de vous rassembler? Absolument. Si je n'étais pas allée en Afrique, je n'aurais jamais su en fait que je suis une Antillaise. Il a fallu que j'y aille pour découvrir d'abord que l'Afrique est très proche de moi. Et pourquoi elle est si proche de moi? Parce que je suis une Antillaise. C'était une façon finalement de rassembler des morceaux qui étaient totalement épars, et surtout de me débarrasser d'un masque que beaucoup d'Antillais continuent à porter très longtemps, qui est le masque finalement d'une sorte d'occidentalisation, de francité, appelez ça comme vous voulez, savoir exactement qui j'étais. Donc l'Afrique, c'est un révélateur pour moi, et c'est aussi un lieu de rencontre. Françoise Pfaff, comment est-ce que vous comprenez, vous, cette idée que, au fond, les romans africains de Marie Scondé, ce sont des romans antillais? Est-ce que cela signifie que toute son œuvre est une œuvre antillaise? Elle le revendique, je pense, en disant que, quand je lui ai posé la question, comment te définis-tu? Eh bien, elle m'a répondu, je suis une écrivaine guadeloupéenne. Mmh. Alors, elle s'écarte un petit peu de la France, et ne se définit pas comme étant française ou francophone, mais d'abord antillaise. Elle vit pourtant en France. Elle vit en France, dans le Luberon, Oui, métropolitaine dans le Luberon actuellement, près du village de Gordes. Et elle continue donc d'écrire sous le soleil de cette partie de la France. Et elle est revenue en France, je crois, à cause de sa mauvaise santé et aussi parce que ses enfants sont là. Une partie de ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants sont en France. Donc, cela lui permet donc de les voir assez fréquemment, en tout cas plus fréquemment que si elle était en Guadeloupe ou même aux États-Unis. Et pourtant, elle semble regretter New York. Oui, elle aimait beaucoup New York. Et je crois que son mari aussi, Richard Philcox, aime beaucoup New York. Moi, j'aime pas beaucoup New York. Mais enfin, bon, c'est vrai que c'est une ville. Vous échangez, du coup. Vous êtes à Washington, mais... C'est pour ça que je suis à Washington, en fait. C'est parce que je n'aime pas New York. C'est une ville fabuleuse, effectivement. Tout le monde parle de New York. Il y a des brassages ethniques, des brassages d'idées, un mouvement constant à New York. Donc, je vois comment, finalement, le terreau new-yorkais a pu inspirer Maryse. Elle inclut, d'ailleurs, New York dans un certain nombre de ses écrits. Donc, je vois tout à fait comment elle a pu se sentir à l'aise à New York, mais elle a aussi vécu en Californie, elle a vécu en Virginie, elle a vécu à Washington. À Boston aussi, donc... puisqu'elle était professeure à Harvard pendant quelques temps. Oui, à Boston, où je sais qu'elle a enseigné effectivement à Princeton aussi, dans cette région. Donc, Maryse Condé a une carrière universitaire extraordinaire aux États-Unis, il faut bien le reconnaître. Elle y est bien connue, elle a organisé des conférences sur la littérature caribéenne. Elle a également... initié certaines études caribéennes littéraires dans certaines universités. Donc, c'est vraiment un nom que l'on connaît. Et je dirais peut-être même que j'irais jusqu'à dire que Maryse Condé est plus connue dans le domaine universitaire aux États-Unis et qu'elle ne l'est en France. C'est un peu paradoxal, mais elle y a vécu quand même très longtemps. Alors, Françoise Pfaff, j'aimerais qu'on parle un petit peu de la pensée politique de Maryse Condé, même si ça n'est pas forcément... évident, parce que vous-même, au cours des entretiens, vous essayez de lui faire parler, par exemple, de la politique française, et au fond, elle ne souhaite pas répondre, elle ne répond pas. Ça doit pas être facile, d'ailleurs, d'interviewer Maryse Condé. C'est pas toujours facile. C'est ce qu'on sent un petit peu, en effet, à la lecture. Donc, elle ne vous répond jamais, ni sur François Hollande, ni sur Nicolas Sarkozy, ni sur Christiane Taubira. En gros, ça ne l'intéresse pas. Ça semble ne pas l'intéresser. Elle ne regarde pas ces actualités-là, ou elle feint, en tout cas, de ne pas les regarder. Oui, elle les regarde, en fait. Elle regarde la télévision, elle regarde les nouvelles, elle est tout à fait au courant de tout ce qui se passe en France et dans le monde. Mais elle refuse, finalement, de s'apesantir sur la politique française parce qu'elle pense que son regard est un regard sur le monde plutôt que sur un seul pays. Donc elle a toujours cette même, je crois, conscience politique qu'elle avait au départ, qui s'est un peu transformée. Elle s'écarte de la notion de littérature engagée, mais par exemple devient la présidente du comité pour la mémoire de l'esclavage, je crois, en 2004. Donc elle oriente d'une différente manière son militantisme. En étant présidente de ce comité, je crois qu'elle a réussi à ce que certains musées consacrent une partie importante à l'esclavage, en particulier à Bordeaux. Je c'est crois, un comité pour faire reconnaître, au fond, ce que l'esclavage a fait aux peuples qui ont été esclavagisés. Et donc, c'est le gouvernement français qui est venu lui proposer cela en 2004, Françoise Pfaff. Non, je crois que c'est elle qui a été sollicitée. Je ne pense pas que ça venait du gouvernement en particulier. Et elle a accepté cette fonction parce que justement, elle voulait explorer plus avant le thème de l'esclavage. Elle raconte souvent que l'esclavage avait été un peu caché, lui avait été un peu caché pendant sa croissance, son enfance en Guadeloupe. Et donc, ça là lui a permis justement d'explorer cette notion et aussi l'influence que l'esclavage a, même de nos jours, enfin dans les sociétés post-esclavagistes de la diaspora noire, que ce soit au Brésil, aux États-Unis et même en France, où des images coloniales, toute une imagerie coloniale a toujours une certaine influence dans la société française. En effet, et elle revient en permanence sur la question du racisme, qui est chez elle la grande question. Il y a d'ailleurs, pour elle, différents racismes. Elle le sait bien, puisqu'elle a vécu dans de nombreux pays. Elle explique, par exemple, que le racisme américain, ce n'est pas le même que le racisme français. Oui, alors, elle dit... Par contre, que maintenant, autrefois, quand il y avait peu de Noirs en France, le racisme était quand même pas très virulent, mais que depuis les années 60, depuis l'émigration de populations à la fois de la Caraïbe et d'Afrique, le nombre des Noirs a augmenté. Et elle se demande justement si les Français moyens, aujourd'hui, ne sont pas presque aussi racistes que les Américains moyens. C'est ce qu'elle se demande dans les premières interviews. Et alors, elle a aussi toute sorte d'histoires qui lui sont arrivées. Bon, son couple est mixte. Elle a épousé en seconde noce Richard Philcox, qui est donc anglais et blanc. Et elle raconte des épisodes assez douloureux qui se sont produits aux États-Unis. Alors, elle dit par exemple qu'elle enseignait à un moment donné à Occidental College, près de Los Angeles, en Californie, et qu'elle allait au restaurant donc avec son mari, et que le serveur s'adressait uniquement au mari, comme si elle n'était pas là. Donc elle faisait un peu l'expérience d'une sorte d'invisibilité, c'est comme si elle n'était pas là. Et elle parle à ce propos du livre de Ralph Ellison, Invisible Man, et elle dit, ben moi j'étais Invisible Woman, j'étais la femme invisible, et toute l'attention des gens se portait sur mon mari. Elle parle aussi de gens qui sont venus louer son appartement, et on prenait son mari pour le professeur. Une autre fois, on pensait qu'elle était la femme de ménage de son mari. Or, pour une femme, une écrivaine, de la renommée de Maryse, ce sont des choses quand même extrêmement difficiles à accepter. Et elle dit qu'en France, eh bien, il lui est arrivé aussi ce même genre d'aventure lorsqu'à un certain moment, elle voulait chercher un appartement et que quand on la voyait, on se montrait un peu réfractaire à la location. Alors que si son mari, Richard, allait, elle pouvait obtenir l'appartement et finalement ne se manifester qu'au moment de signer le bail. Donc il y a dans les deux sociétés des éléments de racisme. Évidemment, les deux sociétés ont une histoire différente. En France, il n'y a jamais eu la ségrégation, pour ainsi dire. Il n'y a jamais eu l'esclavage dans l'Hexagone. Il y a eu évidemment l'esclavage aux Antilles, etc. Mais c'est un peu différent, effectivement, le racisme aux États-Unis. Mais alors, elle dit, son rapport à la France semble tout de même assez complexe. Elle dit « liberté, égalité, fraternité, ce sont des mots qui n'ont pour moi aucun sens, des mots qui mentent. Dans les derniers entretiens, elle vous dit qu'elle a toujours détesté Paris, alors qu'elle disait avant qu'elle avait au contraire de très bons souvenirs de sa vie étudiante à Paris. Elle a des mots quand même assez durs sur la nation française, disant qu'elle ne souhaite pas appartenir à la République française. Est-ce que vous avez l'impression qu'au fur et à mesure des années, son regard s'est durci sur, peut-être pas la France dans son entier, mais au moins sur la métropole ? Elle pense qu'il y a maintenant une image dégradée du noir et que le racisme finalement se manifeste de plus en plus et qu'il y a quand même aussi une violence policière, parce que généralement en France on parle de la violence policière à l'encontre des Noirs aux États-Unis, mais il y a des épisodes récents qui montrent bien que cela peut aussi se produire en France. Alors ça énerve un peu les gens, sa position quand elle critique la République française, par exemple, encore une fois pour le citer, Jean-Kelly Pollan dans son article ne comprend pas exactement sa pensée, et le fait qu'elle habite en France finalement et qu'elle refuse d'être française, ça lui paraît paradoxal. Mais comment peut-on effectivement se trouver bien dans sa peau. En France, quand vous êtes jeune, les enfants ont peur de s'asseoir à côté de vous dans le métro, commencent à pleurer parce qu'ils ne veulent pas s'asseoir à côté d'une femme noire. Et quand plus récemment, vous avez des gens comme Nadine Morano, dans l'émission On n'est pas couché, si je me souviens bien, qui disent « Nous sommes un pays judéo-chrétien, le général de Gaulle l'avait dit, c'est un pays de race blanche. » Alors comment voulez-vous que des gens, des Antillais, des Africains, se sentent à l'aise dans un pays qui les rejette ? Sans doute. Nadine Morano n'est peut-être pas toute la France non plus. Mais on en parle, hein. On en parle. C'est vraiment malheureux qu'il y ait ce genre de déclaration. Je suis d'accord que ce n'est pas la France dans son entier. Ce n'est pas tout le pays qui parle comme elle, mais une certaine partie du pays. Et puis le fait que le Front National, quand même, rassemble certaines voix, montre que ce discours n'est pas tout à fait étranger à certains Français. Mm-hmm. Mais pas à tous les Français, mm-hmm. bien sûr. Alors, si la politique, finalement, l'intéresse assez peu dans ce qu'on pourrait appeler la politique politicienne, c'est vrai qu'elle s'intéresse beaucoup à la marche du monde. Et elle pense que le monde va très mal. Et vous lui demandez un petit peu comment faire finalement pour que, selon elle, ce monde devienne plus désirable. Et quels seraient les éléments de réponse, si elle en a, hein, après, c'est peut-être pas non plus son travail, entre guillemets, d'apporter ce genre de réponse, mais qu'est-ce qui, pour elle, pourrait rendre le monde un peu meilleur ? Eh bien, je crois que en ce qui concerne Maryse, par exemple, le problème de l'immigration qu'elle soulève, que nous avons soulevé dans les interviews, elle pense que lorsque les gens arrivent dans des pays européens, ils sont bien sûr souvent mal accueillis, ils ne sont pas préparés à leur vie dans ces pays. Et ce qu'elle suggère, c'est que les pays d'où viennent ces immigrés essaient de créer les conditions d'une vie plus décente dans les pays d'origine. Mmh. C'est-à-dire qu'il faudrait développer des activités économiques et industrielles afin que les gens qui, en général, ne veulent pas vraiment quitter leur pays, ils quittent leur pays parce qu'ils sont obligés, parce qu'il y a des raisons économiques, pas seulement des raisons de guerre. Et d'ailleurs, quelquefois, c'est un peu difficile de faire la différence entre les deux. Mmh. Les gens qui viennent parce qu'ils n'ont pas à manger, c'est quand même aussi une violence qu'on leur fait. Elle-même considère qu'il ne doit pas y avoir de différence entre des réfugiés économiques et des réfugiés politiques. Voilà, exactement. Donc là, c'est par exemple une solution qu'elle donne, c'est d'accroître les conditions de vie, de les améliorer dans les pays d'origine afin que les gens n'aient plus envie de quitter leur pays finalement. Ce n'est pas parce que l'accueil, quelquefois, laisse beaucoup à désirer, comme nous le savons, lorsque les gens arrivent mal préparés dans des pays étrangers. Et c'est d'ailleurs voilà un petit peu ce que fait solution. Sa fille, qui travaille en lien avec l'Union européenne, pour apprendre justement aux Haïtiens à mieux gérer leur développement. C'est un petit peu ce qu'elle préconise. Mmh. Et c'est intéressant de voir que sa fille fait cela et que dans un de ses derniers romans, qui s'appelle « En attendant la montée des eaux », il y a aussi un médecin d'origine malienne qui se rend en Haïti, aux Antilles, et ensuite en Haïti pour justement aider au développement de ces pays et prendre soin de la santé des gens dans ces pays. Donc il y a une sorte de circulation au niveau de la diaspora noire où les gens sont très mobiles et elle prône en fait un peu cette aide de par ce roman En attendant la montée des eaux. Autrefois, c'était Véronica qui allait vers l'Afrique, qui devenait coopérante ou enseignante. Et maintenant, on voit que ce sont les gens issus d'Afrique qui vont dans les pays de la diaspora pour aider ces pays à se développer. Comme fait la fille de Maryse Condé, Sylvie, oui. Alors, peut-être terminons sur un peu de littérature, parce que je crois que c'est ce qui compte finalement pour Maryse Condé. J'avais envie de vous entendre un petit peu sur le rapprochement qu'on peut faire avec Jean Genet, qui lui aussi a toujours été proche des Noirs et des hérités du monde entier, tout en sachant, comme Maryse Condé elle-même, qu'il y a une image dégradée des Noirs qui persiste. Est-ce que ce rapprochement vous semble possible à faire entre ces deux figures de la littérature et de la politique aussi, parce que Jean Genet, c'était quand même quelqu'un qui s'était beaucoup engagé sur un certain nombre de sujets. Est-ce qu'on peut faire ce rapprochement selon vous ? Oui, alors les deux sont effectivement des écrivains engagés. Et Marie Scondé ne cache pas, je crois, son admiration pour Jean Genet. Elle le cite tout au long de ses œuvres. Il y a un certain nombre de références à Genet, au nègre, etc. Et il y a effectivement une différence entre Genet et Condé. Il est surtout connu, lui, Genet, en tant que dramaturge, alors que Condé se définit comme romancière. Ils viennent évidemment de milieux sociaux très différents. Genet a été abandonné par ses enfants, a connu l'orphelinat, la prison, etc. Alors que Condé est né quand même dans un milieu guadeloupéen bourgeois assez calfeutré. Mais au-delà de ces différences, je citerai une commune irrévérence, une ironie, un iconoclasme, ainsi que des thèmes communs à ces deux auteurs, tels que le colonialisme, l'exclusion, l'abandon, il y a aussi l'homosexualité qui se retrouve dans certains des écrits de Maryse, l'immigration, le milieu carcéral qui se trouve dans certaines de ses pièces de théâtre, en particulier dans la pièce Comme deux frères, mais je pense que Christiane Macouet vous en parlera plus abondamment. Donc ils sont tous les deux engagés politiquement à gauche dans leur vie et leurs écrits, et finalement il faudrait développer tout ça, ce qui donnerait peut-être les bases d'une thèse de doctorat. Donc en quelques secondes, puisque c'est à peu près ce qui nous reste malheureusement, Françoise Pfaff, comment est-elle aujourd'hui ? Elle dit qu'elle est une vieille femme dans ces entretiens-là et que c'est ça qui l'occupe à présent. Eh bien maintenant, Maryse effectivement souffre donc de cette maladie dont je vous ai parlé, mais elle est toujours active. Il paraît qu'elle écrit un livre pour la jeunesse. Sa clarté de pensée est toujours la même. Et je pense qu'elle a beaucoup de courage, beaucoup de persévérance et beaucoup d'allant malgré les limites qui lui sont imposées. Donc Maryse Condé continue d'écrire malgré l'impossibilité physique qu'elle a de le faire. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Un grand merci à vous, Françoise Pfaff, pour ce retour sur l'œuvre et sur les idées de Maryse Condé. Vous avez notamment réalisé deux ouvrages d'entretien sur lesquels on s'est basé pour cette émission avec elle. Le premier, publié en 1993, est reparu en 2016 chez Cartala dans une nouvelle édition. En même temps, d'ailleurs, que l'apparition de vos nouveaux entretiens avec Maryse Condé, toujours chez le même éditeur. Demain, nous recevrons Romuald Foncoy et Xavier Luce, avec qui nous évoquerons les rapports entre Condé et d'autres auteurs de la littérature dite francophone. Mais tout de suite, un moment de poésie, c'est évidemment avec Jacques Bonafé. Bonjour, bonjour la compagnie. Le poème « Vanité, carré, misère » s'appuie chaque jour sur une citation de la Ballade des pendus de François Villon. On fait bien attention à l'articulation François Villon. « Vanité, carré, misère » comme une opposition de peinture et d'une photographie, deux images, vanité, carré, misère. Carré, misère désigne chez Yves Boudier la misère mise au carré de sa présentation. Carré de la strophe et de la photo, le carré est son habitant. Frères humains qui, après nous, vivez, n'ayez les cœurs contre nous endurcis. Ainsi l'humain se tient, crâne posé, tout commence. Le pli ouvert. En haut, la vanité, c'est un serviteur soyeux qui veille le crâne, et sous lui, en photo, c'est le clodo accroupi près de son caddie. Instrument aligné, vaisselle, cristaux, nappe lissée, tendue. Chose unie, l'une traverse l'autre, sans peau, comme abolie. L'animal veille. Les misérables de nos rues sont nos vanités, assumées et animées, une conjuration de la mort. Quiconque passe le seuil se fige, voit ce qui ne peut se regarder, suspendu dans sa lumière. Un corps. Le temps cligne des yeux, signe l'immobile. Les mains, l'une à côté, l'autre, compagne dans l'attente. Ou l'accident, dévoué, immédiate à coudre le vide, creusé dans les nuages, le tranchant d'une herbe, l'os poli de l'outil, la poix. Car c'est pitié de nous, pauvres avés, Dieu en aura plutôt de vous merci. » Texte d'Yves Boudier en réponse. « Ainsi que je le vis, au pied des murs, la pluie neigeuse miette délavée, les excréments devenus blancs, le cadavre d'un rongeur, son pelage vibre, lambeaux de tissu, peur désunie, des sacs râpés comme des linges de prière, un froid à faune remplit l'espace, carré misère des hommes. » Voilà, que faire de ces poèmes haletants brisés, demande Michel Deguy dans la préface. Ce ne sont certes plus des morceaux d'éloquence, Bossuet et Hugo, la prose et le poème nullement indifférents à la mort et à la misère du monde, tonnaient, châtiaient, emportaient tout sur leur passage. Le poème a perdu son théâtre de chair, de tribune, de magistère ou d'académie. La chair est plus triste, hélas, et nous ne lisons plus les livres. La performance, aujourd'hui, cherche pour le poème son audience. Merci Jacques Bonafé. Vous nous avez lu aujourd'hui des poèmes d'Yves Boudier.